Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, j'ai pour vous Guppy Fish de la Grèce, Cyan d'Angleterre, Sandown d'Italie, Steve Hackett d'Angleterre. Le deuxième segment sera consacré au rock progressif japonais avec Hiromi, The Trio Project, Yuka and Chronoship, Midas, Margaret Maggie. Et ensuite, on aura Isildur's Bane et Peter Hamill, Alessandro Corvaglia d'Italie. On a une nouveauté de Yes d'Angleterre. Et le thème du quatrième segment de l'émission de cette semaine, bien, il est consacré au prog de l'année 1973 et on aura Les Ormés, Rick Wakeman et Il Rovesio de la Medaglia. Alors cette semaine, on débute avec le groupe grec Guppy Fish. C'est un nouveau groupe qui existe depuis un an et qui a fait paraître un seul album en 2020. L'album s'intitule « The Fall of Man » et la pièce qu'on va entendre s'appelle « Easily Played ». On va continuer avec Cyan, un groupe britannique qu'on a pu entendre la semaine passée à l'émission. Et on remet ça avec un autre extrait de l'album « For King and Country » qui, je le rappelle, a été enregistré originalement en 1996 et que Rob Reed, le leader du groupe, a décidé de reprendre en 2021 avec une nouvelle mouture du groupe. La pièce que j'ai choisie s'intitule « Snowbound ». Ensuite, on fait un petit détour du côté de l'Italie avec Sandown et un extrait de leur plus récent album « Kama Sutra ». Qui est en fait leur huitième depuis 1992. Et on va conclure avec M. Prog lui-même, et j'ai nommé Steve Hackett, qui nous offre Surrender of Silence, son 28e album solo en carrière. Alors on débute, mais auparavant on débute avec Guppy Fish de Grèce. We'll be right back. It was one of my lucid dreams. You mocked me, I laughed too. I don't care, listen, now it's up. Oh God, where sat in my garden, talking about changes. We're fading out, said Shiva. Come on, Buddha, Yahweh, Dike Allah. We must start the greatest party band ever. Natalia's baby laced still at her breast, begging for bread at the palace's gate. A royal bullet fired and sealed her fate. Oh, Natalia, the woman you could be. Oh, Natalia, a chance to set you free. Broken balalaikas, no chance to fly. Natalia dared to ask a man why. From a red train, Siberia bound, a frozen body was never found. She cried out rejoicing, freedom at last. But her purse fell empty again, why she asked. A poison drink from a woman dressed in mink took Natalia's life, a cry in the wind. Yeah. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Bon, avant de débuter le deuxième bloc, je vous rappelle qu'avant la pause, vous avez entendu Steve Hackett. Ça a été précédé du groupe italien Saint-Done. On a eu aussi le groupe britannique Cyan. Et on avait débuté le bloc avec la formation grecque Guppy Fish. Cette semaine, le deuxième segment de l'émission, eh bien, je l'ai dédié au rock progressif japonais. Je rappelle que les Japonais sont quand même friands de rock progressif, et ça depuis les tout débuts. Et parmi les 22 500 groupes là, qui sont représentés dans ma base de données, bien, il y en a 480 qui nous viennent du Japon. Et ces 480 groupes-là, bien, ils touchent à peu près à tous les styles de rock progressif. En fait, il y en a 19 des sous-genres de prog là, qui sont représentés par les Japonais. Mais principalement, on aura le Jazz Fusion, le Psychedelic Space et le R.E.O. Avant-Garde qui sont particulièrement bien représentés là, du côté du Japon. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 groupes. Le premier, c'est Hiromi Trio Project, qui sera suivi de Yuka and Chronoship. On aura ensuite Midas et on va conclure avec Margaret Maggie. Je vous épargne la nomenclature des pièces que vous pouvez trouver sur la page Facebook de l'émission de Rock de Neurones. Alors allons-y tout de suite là, avec des Hiromi Trio Project pour un pro-jazz fusion interprété de main de maître par la pianiste là, Hiromi Uehara. Thank you. We'll be right back. de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le troisième bloc de l'émission, j'aimerais rappeler aux auditeurs que vous pouvez trouver là, toute l'information concernant la musique qui est diffusée lors de l'émission sur la page Facebook de Rock de Neurones. On a une nouveauté qui nous vient de la Suède avec Isildur's Bane, accompagné de l'illustre Peter Hamill, anciennement de Van de Graaff Generator. L'album In Disequilibrium est le deuxième de leur récente association. Et pour l'émission, j'en ai tiré la pièce In Disequilibrium Part 1. On a aussi une nouveauté qui nous vient d'Italie avec Alessandro Covaglia, le chanteur de la Maschera di Scera, qui nous propose un premier album studio qui s'intitule Out of Gate et dont on va entendre la pièce titre. Ensuite, pour conclure le troisième segment, qui d'autre que le groupe prog parmi les plus influents de la scène musicale depuis 1969, et j'ai nommé Yes. Ils viennent de faire paraître The Quest, le 21e album du groupe, qui pour l'occasion là, réunit Steve Howe, Alan White, Billy Sherwood, Geoff Downes, ça c'est de Dream Theater, et John Davison, ça c'est anciennement de Glass Hammer. Mais auparavant, on débute avec Isildur's Bane et Peter Hamill.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Comme je l'ai mentionné au début de l'émission, le quatrième segment est désormais consacré à un thème précis et cette semaine, mais c'est dédié à la musique de l'année 1973. L'année 1973 là, a été très prolifique là, avec une abondance d'albums de presque tous les horizons, mais on remarque là, une très forte présence à cette époque-là des groupes italiens. J'ai donc choisi des extraits de deux des albums italiens les plus marquants de 1973. Il s'agit de Felina e Sorona de Leorme et de Contamination de Il Rovescio della Medaglia. Ça va être entrecoupé d'une présentation de Rick Wakeman, qui venait à l'époque tout juste de quitter Yes, pour enregistrer The Six Wives of Henry VIII. Et la chanson que j'en ai extraite s'intitule Anne Boleyn. Petite parenthèse ici, vous mentionnez que Rick Wakeman a enregistré à date 80 albums studio, sans oublier les 28 enregistrements live et les multiples compilations qui regroupent là, la presque totalité de son œuvre. Fin de la parenthèse et allons-y tout de suite avec Leorme. luce risplende, in ogni corpo la fiamma s'accende, l'amore è vivo nei loro sguardi, ora li unisce nel nuovo domani. Foglie salutano il vento, un uomo torna dalla sua donna, una ragazza va incontro al suo sogno. Dal cielo e del dolore non c'è ricordo, soltanto oggi comincia la vita. Sorona, Felona inizia il lento declino, inesorabile la notte scende e l'equilibrio ben presto finisce. Si distrugge per poi costruire, si aspetta sempre il nostro giorno, non cambia niente all'infuori del tempo. Thank you.